Stephen King aime les douches de sang, Stephen King aime les systèmes de points, Stephen King a écrit Carrie, Brian De Palma l'a adapté et Catchy en a réalisé la suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Je te le demande pas souvent. Donc... Ouais, c'est depuis le temps. Bah oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film sorti en 1999, Carrie 2, La Haine, qui fait suite au film de Brian De Palma, sorti 20 ans avant quand même. Haine ou La Rage ? C'est Carrie 2, La Haine, et The Rage, c'est le titre VO. Ah, dommage. Pourquoi ? À cause d'un rage dedans ? Voilà. Je voulais faire la blague. Ouais. Non, mais c'est... Tu peux, si tu veux. Vas-y. Ah, mon effet est tombé à l'eau. Ouais. Donc, dans The Rage, Carrie 2. Voilà. Ça fait presque épique en anglais. C'est vrai, presque. Donc, qui est sorti le 12 mars 1999 aux États-Unis et qui dure 105 minutes. Donc évidemment, on ne va pas revenir sur le roman qu'on a déjà traité dans notre troisième épisode consacré au film de Brian De Palma. Vous pouvez aller réécouter. C'est toujours un roman pas trop mal placé, on va dire. Il est à la 17e place de notre classement. Et le film de Brian De Palma, lui, est toujours premier. Oui, dans notre classement. Le roman souffre des soucis réguliers des premiers romans d'auteur, en fait, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Pour un premier roman, c'est déjà pas mal. Bon, on y va tout de suite ? Ben, on y va tout de suite. Alors, c'est parti. Roméo et Juliette. L'histoire de deux amants maudits, séparés par leur famille, par la société, et comme diraient certains, par le destin. Pourquoi sommes-nous toujours bouleversés par l'amour quand il se termine mal ? Pour ma part, je n'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi ? À l'amour. Qui voudrait d'elle ? À ton âge, c'est parfaitement normal d'avoir peur de devenir comme tes parents. Ça te fait peur ? Vous avez toujours su que vous étiez différent. Ça doit être super de ne pas être comme tout le monde. Il y a des moments où j'aimerais faire partie des gens heureux et qu'on remarque partout où ils passent. Arrête, elle est ringarde, cette gonzesse. Tu la connais pas. Et toi, oui. Oui, je la connais. Les autres ne vous comprennent pas. Si au moins c'était une fille cool, si seulement elle était branchée. Ils ont sûrement besoin d'une bonne leçon. Leur seul but... Rachel. C'est de vous blesser. Tu ressens le besoin de parler. Non ! Alors, qu'ils aillent au diable. Tu veux savoir ce que je ressens aujourd'hui ? Quand Rachel était enfant, vous avez vu des objets bouger par eux-mêmes. Qu'est-ce qui cloche dans l'image que j'ai là ? Tu as entendu parler de Carrie White ? 73 personnes sont mortes lors de la fête de fin d'année. À ce prochain semestre... Fais pas ça, Rachel ! La terreur... Là, c'est elle qui fait ça ! ...s'installe dans la famille. Carrie 2, la haine. Putain, les mecs, on rate une teuf d'enfer. Le film Carrie 2 nous raconte l'histoire de Rachel, une jeune femme en famille d'accueil depuis que sa mère est internée parce qu'elle la prend pour la réincarnation du diable, enfin, un truc comme ça. Elle est... Tu disais que c'était lambda. Elle est pas très populaire dans sa classe. Bon, ça arrive à tout le monde, non ? Oui. D'être la réincarnation du diable. Elle est peu populaire dans sa classe et elle développe des pouvoirs télékinésiques quand elle ressent des émotions fortes, de la colère ou de la tristesse. Et sa relation... Ça s'appelle l'adolescence. Ouais, voilà, bah du coup, forcément, ouais. Et elle va avoir une relation avec un camarade de classe, et en plus, le suicide d'une de ses seules amies va la faire vriller, surtout qu'il y a une partie des ados du lycée dans l'équipe de sport qui font un système où, en gros, ils se donnent des points quand ils couchent avec une des camarades de classe. Tout va bien. Et là, on retrouve aussi Sue Snell, donc, qui était... La fille qui essayait d'être bienfaisante avec Carrie dans le film de Brian De Palma et dans le roman, qui est une des rares survivantes dans les deux, et qui là est devenue conseillère scolaire, en fait, conseillère d'éducation, et qui va se rendre compte que Rachel prend un parcours similaire à celui de Carrie, et va donc essayer de l'aider. Et c'est à peu près le seul lien avec Carrie, parce que forcément elle est morte, Carrie, donc moi j'aurais été pour le fait qu'elle revienne en morte vivante, mais bon. Voilà. Le film au début s'intitulait The Curse, Carrie 2. Il devait démarrer sa production en 1996, mais ça a été décalé de 2 ans, et il s'inspire d'un scandale de la vraie vie en 1993 impliquant les joueurs d'une équipe sportive qui faisaient un concours en se donnant des points en fonction des filles avec lesquelles ils couchaient. Le scandale a été appelé le scandale des Spur Posses, parce que c'était le nom qu'ils se donnaient. Un incident qui a pas mal marqué, parce qu'en fait on le retrouve dans plusieurs œuvres de fiction au cours des années 90 et 2000, par exemple c'est le sujet d'un épisode de Law and Order. Mm. Bon, d'après le résumé wiki que j'ai lu sur le scandale d'origine, c'était quand même beaucoup plus glauque, parce que les filles impliquées, bah il y en a, elles étaient peut-être même pas encore au collège, quoi. Oui. C'est donc vraiment gros scandale. Ça a rajouté un peu de pédophilie à l'affaire. Voilà, c'est ça. Le film est produit par Paul Monash, qui était déjà producteur sur le premier Carrie et consultant sur la version télé dont on a déjà parlé, mais qui sort un peu après, et scénariste des Vampires de Salem. Voilà. D'accord. Donc on en reparlera. Le scénariste ici, c'est Raphaël Moreux, qui a vraiment pas une grosse carrière. En fait, le seul autre de ces films dont j'ai entendu parler, c'est Hackers. Et j'en ai entendu parler seulement parce que 2 heures de perdu a fait un épisode dessus. Oui, effectivement. Parce que sinon, j'ai pas vu et ça donne pas envie leur épisode. Non, effectivement. Voilà. Après, si tu les prends au premier degré, il y a beaucoup de films qui donnent pas envie. Ouais, c'est pas faux, mais celui-là avait l'air particulièrement détestable. Quand oui. Même. Lorsque la production commence en 98, le titre est Carrie 2, Say Your Story. Voilà. Avec le réalisateur Robert Mendel, réalisateur de quelques films et épisodes de série, dont le pilote de X-Files... ou Touch and Go, une comédie romantique un peu nulle, mais il y a Michael Keaton dedans, donc ça passe. Mmh. Et il y a aussi Maria Conchita Alonso, ils sont mignons, c'est quand même nul. Mais ce réalisateur-là va partir au bout de 2 semaines à cause de différents artistiques, et donc on appelle en urgence Catchy pour revenir et sauver l'affaire avec moins d'une semaine pour se préparer et pour tout retourner, y compris les scènes déjà tournées par l'ancien réalisateur. Donc Catchy, elle a eu une brève carrière d'actrice au début, et elle devient scénariste et réalisatrice pour Roger Corman, en début de carrière, en travaillant sur des films comme The Patriot, seulement comme scénariste, en duo avec Andy Ruben, elle écrit tous ses scénarios en duo, Le Striptease de la Mort, Dance of the Damned, Strip to Kill 2, ou Streets, et d'après Roger Corman, elle tournait pour environ 500 000 $, et ses films en rapportaient 5 à 10 millions, donc je pense que c'est le plus gros compliment que puisse faire Roger Corman, en fait. Ah oui. Ah ouais. Oui, Mr. Krabs, comme il est, effectivement. C'est ça. Pas des mains qui dépensent qu'il a. Qu'il avait. Enfin, qu'il a, qu'il raconte qu'il a. Elle passe à des plus gros studios ensuite, mais sans rien de vraiment majeur, et maintenant elle est devenue, depuis un bon moment, prof de jeu, en fait. Elle enseigne, plutôt. Comment ça, prof de jeu? Bah, prof de jeu d'acteur. Ah! Prof d'acting. D'accord. Je suis prof de jeu de société. Et elle a travaillé avec Drew Barrymore, notamment, et Sophia Lillis, pour citer les actrices qui se sont retrouvées sur du King aussi. Hein. D'accord. Voilà. Des bonnes actrices, en plus. Oui. L'arrivée sur le tournage n'est pas forcément simple, ne serait-ce que pour les rapports avec l'équipe, parce que forcément, j'imagine que l'équipe avait déjà prévu des trucs avec l'ancien réal, et puis une réalisatrice qui débarque, ça fait un peu la servante des studios, donc au début, il y avait un peu des tensions, mais apparemment, ça s'est arrangé... relativement vite, d'après ce qu'elle dit dans le commentaire audio, et elle évoque un tournage de manière prévisible, très rapide, où il n'y avait pas le temps de préparer à l'avance les choses, pas suffisamment de budget, voilà. Apparemment, toute la séquence de fin de Destruction Finale a été tournée en 2 semaines, ce qui n'était pas énorme. Mm-hmm. Donc un tournage un peu speed. Au casting, on a dans le rôle de Rachel, Emily Burgle. C'était son premier rôle à l'écran. Depuis, elle a surtout une carrière télévisuelle dans des séries comme Gilmore Girls, Shameless, American Crime ou Desperate Housewives, et un des rôles principaux d'une série appelée Men in Trees. Et elle a un très petit rôle dans Blue Jasmine de Woody Allen. Voilà, c'est bien Blue Jasmine, regardez-le. Jess, qui est donc love interest, oui, est joué par Jason London, qui lui tourne vraiment beaucoup. Il a actuellement 10 films terminés mais pas encore sortis, ou en post-prod. Et il a joué Henry Baskerville dans une adaptation du Chien des Baskerville en 2000, et un des rôles principaux dans Génération Rebelle de Richard Linklater. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable dans sa filmo, mais au moins il chôme pas. Mark, qui est lui pour le coup plutôt l'antagoniste principal, est joué par Dylan Bruno. En dehors de ça, on peut principalement citer un rôle récurrent dans Numbers. D'accord, et la série ? Ouais. Que je connais pas du tout. Je crois que j'ai vu un épisode et c'était pas ouf. Je vois le pitch, ouais, mais ça m'a jamais vraiment intéressé. Ouais, pareil. La mère de Rachel est jouée par G. Smith Cameron. Et Eric Stark, celui qui entraîne le suicide de la copine de Rachel, par Zachary Ty Bryan, un des rôles principaux d'une série qui s'appelle Papa Bricole, avec un titre comme ça, c'est forcément génial, et un petit rôle dans Tokyo Drift. Ah. Voilà. Le meilleur, hein, le meilleur Fast and Furious. Amy Irving, donc on en a déjà parlé à l'époque où on avait évoqué le film de Brian De Palma, et apparemment elle lui a demandé un peu sa bénédiction avant d'aller tourner là-dedans. Et je pense que comme Brian De Palma n'en avait rien à foutre, elle l'a fait. Voilà. La photo est de Donald M. Morgan, qui avait surtout fait celle de téléfilm, mais aussi celle de Christine et Starman. Et c'est un peu étonnant parce qu'il y a vraiment ces deux films-là au milieu de téléfilms qui n'ont pas l'air ouf, quoi. Ah oui. Donc bon. Étrange. Voilà. Et là, sa photo, je la trouve pas mal. À part dans les scènes de pouvoir dont on reparlera. Mais la photo, je la trouve raisonnable. Oui. Pas extraordinaire, ça, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais je trouve qu'elle tient la route par moment. Elle fait le taf. Ouais. Et il y a un directeur photo remplaçant sur la scène de la boutique de maquillage parce que Donald Morgan était au mariage de sa fille, et c'est Steven Poster, et si c'est pas un homonyme, c'est le directeur photo de The Box, Slant Tales et Donnie Darko, par exemple. Ah voilà. Oui, d'accord. Donc, pour le coup, des films qui ont une très bonne photo. Ah oui, clairement. La musique est de Danny B. Harvey, qui a fait partie du supergroupe The Headcat avec Lemmy Kilmister. Et globalement, en fait, sa carrière, c'est surtout ça. Il a une carrière en tant que guitariste dans plusieurs groupes ou guitariste de studio, mais il a fait quelques BO, voilà, par-ci par-là. Et celle de Carrie 2, je la trouve vraiment pas top. Pour le coup, elle est très très datée. Il y a des pistes de guitare sirupeuses, oh là, ça sonne tellement début des années 2000 ou fin 90. Ça a mal vieilli. Vraiment, vraiment, ça a mal vieilli. Le budget était de 21 millions de dollars et le film n'en a rapporté que 17. Apparemment, au début, ils n'avaient même pas le droit d'utiliser des images de Sissy Spacek, mais elle a fini par dire oui en voyant le film, en disant « Bon, c'est pas trop mal, si vous utilisez des images d'archives, ça passe. » C'était elle voilà. qui voulait pas, là. À la base, c'est elle qui voulait pas, ouais. D'accord. Et les critiques de l'époque sont pour la plupart vraiment négatives. En disant que bah, ça vaut rien, quoi. Stephen King trouve que c'est une suite décente, par contre. Bon, il est pas non plus ultra chaud, mais voilà. Et il y a quand même pas mal de critiques depuis qui ont un peu réévalué le film, surtout vis-à-vis de ses sujets, c'est-à-dire autant la forme, personne ne la trouve transcendante, mais les sujets abordés, les thèmes, sont parfois jugés comme assez intéressants. D'accord. Et aujourd'hui, bon, malgré ça, le film n'a qu'une 1,7 étoile sur Allociné, ce qui le place 46e entre The Mangler et Les Enfants de Salem, et 24% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, donc 39e à égalité avec Quicksilver Highway et Les Enfants de Salem de nouveau. Et c'est tout, il y a un commentaire audio de la réalisatrice sur le DVD, mais il est vraiment pas passionnant et il nous apprend pas grand-chose. On va pouvoir en parler. Vas-y. C'est juste un test qui me permettra de t'aider. Vous perdez votre temps. Tu veux bien répondre aux questions par vrai ou faux, d'accord? Il y a un homme à la télévision qui me dit comment je dois être. Faux? Je vois pas l'intérêt de poursuivre. Il me semble parfois que mes idées prennent la forme d'un insecte géant. Mais ce test ne mène à rien du tout. Tu dois répondre par vrai ou faux. Je répète, il me semble parfois que mes idées prennent la forme d'un insecte géant. Si on veut apprendre le piano, eh bien alors il faut pratiquer. Vrai. Des grosses bêtes poilues rampent sur ma figure la nuit et m'empêchent de dormir. Vrai. J'ai un chien. Il m'arrive parfois de bouger les objets par la pensée. Je suis pas obligée de vous répondre. Assieds-toi, je cherche seulement à te venir en aide. Vous n'êtes pas ma mère. Rachel, si je fais ça, c'est pour ton bien. Voyons, calme-toi ! Bah moi, j'ai pas grand-chose à dire de Carrie 2. Parce que bah, je me suis plutôt fait chier devant le film. Les seuls bons points que je pourrais dire, donc oui, c'est la direction photo qui est pas impressionnante, mais qui est loin d'être dégueulasse, sauf effectivement dans le carnage final qui lui... Bah après... Si ça a dû être tourné à la va-vite, c'est compréhensible, mais le final est vraiment dégueulasse, quoi, du carnage final. Surtout quand tu compares forcément avec la version de Palma. Ouais. Voilà. Et l'acting que j'ai trouvé plutôt honnête. Vraiment, oui. Tous les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Il n'y a rien qui m'a perturbé. J'ai trouvé les acteurs plutôt convaincants dans tout ce qu'ils font, quand il s'agit de laisser passer des émotions. Vraiment. Plutôt une bonne surprise de ce côté-là. Et par contre, tout le reste, je trouve que le film est lent et long à se mettre en place. J'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut raconter. S'il veut faire un drame scolaire avec du lycéen, ou s'il veut faire de la romance dramatique, ou s'il veut faire du fantastique, je sais pas ce que le film veut faire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé ça très très long, beaucoup trop long. Et voilà. Moi, je te trouve un peu dur. Alors, il y a des longueurs, effectivement. Il y a la musique qui va pas du tout. Il y a les scènes de pouvoir qui sont très kitsch. À côté de ça, il y a d'autres moments que je trouve pas trop mal réalisés. Mais on y reviendra. Et ouais, c'est pas déplaisant. C'est vrai que tous les trucs ne se mélangent pas. La romance prend un peu trop de place, peut-être. Un peu sirupeuse en plus. Donc voilà. Ah oui, elle est vraiment très très bien. Mais tout ce qui concerne le parcours de Sue, je trouve que ça va. Sa tentative de corriger les erreurs qu'elle a faites avec Carrie, en fait. Oui. Ça, je trouve ça intéressant. Et j'aime, en fait, je suis d'accord avec certaines critiques, j'aime bien les thématiques, tout ce qui tourne autour du système de points des garçons. Je trouve ça pas mal amené, surtout qu'il y a... Il y a quand même pas mal de trucs de masculinité toxique qui sont amenés, le fait que si elle est vierge, c'est plus de points, si elle est lesbienne, c'est plus de points, etc. Ça, je trouve ça intéressant, et puis effectivement, les mecs jouent pas mal, oui, tout ça, justement. Ça passe, avec un peu tout le monde autour d'eux qui sont dans une optique « boys will be boys », donc c'est normal, c'est des mecs, c'est normal qu'ils pensent qu'avec leur bite, et qu'on leur excuse tout. Je trouve qu'il y a des tentatives de choses qui sont peut-être pas abouties, il y a des moments qui marchent pas du tout, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant. Et puis comme tu dis, ouais, je trouve l'héroïne attachante parce qu'elle joue bien principalement. Oui, ça, par contre, j'ai vraiment rien à dire sur ce côté là non, mais vraiment je vois ce que ça tente, hein, mais ça m'a pas du tout embarqué, quoi. Je trouve que ça le fait pas assez, alors que oui, je vois clairement les intentions de, oui, de critiquer la toxicité, surtout pour l'époque, là pour le coup ça a vraiment été avant-gardiste, parce que c'était pas du tout ce que le cinéma nous avait habitué à cette époque. Ouais, on était un peu justement dans la comédie. La comédie beauf. Ouais, c'est ça. Voilà. La comédie beauf où les personnages de femmes fortes, mais au final c'est des personnages de femmes fortes plus pour flatter la rétine masculine qu'autre chose, quoi. Ouais, et puis les trucs en milieu étudiant a été régulièrement assez toxique aussi. Voilà. Côté comédie américaine, il y en avait qui allaient un peu au-delà de ça, mais pas toutes. Donc oui, je vois les ambitions, et du coup c'est dommage que ça n'ait pas été jusqu'au bout, parce que pour le coup ça aurait été vraiment une petite révolution et en avant sur son temps. Mais je sais pas, ça m'a pas embarqué, ça m'a vraiment pas intéressé. Vraiment. On sent que ça a dû être fait à la va-vite. Ouais. Il y a quelques scènes que ouais, je trouve assez travaillées. Pour le coup, le carnage final, je suis d'accord avec toi, qui passe pas du tout. Mais ce qui vient juste avant, quand elle apprend bah, quand elle voit les vidéos qui ont été faites d'elle, ça je trouve que ça marche pas mal pour le coup. On sent bien toute la honte liée au revenge porn. Oui. C'est clairement ça. Oui, c'est ça. Et il y a 2-3 moments comme ça. Il y a les scènes dans l'asile, je trouve qu'elles fonctionnent pas mal aussi, elles sont pas mal filmées. Quand, quand Sue va voir la mère de Rachel. Mm-hmm. Après, il y a ces trucs, cette tentative à tout prix de le connecter au Brian De Palma autrement que par le personnage de Sue en inventant cette histoire de « elles ont le même père », oui, on s'en tape. Ouais, ça, c'est assez pénible. Voilà, on s'en fout, objectivement. Alors, heureusement, c'est quand même très, très peu présent. Oui. Donc, c'est pas non plus... ça porte pas préjudice à fond, mais c'est vrai que c'est pénible. Après, je sais pas si c'est partie du cahier des charges ou quoi, mais... Mm-hmm. Un autre truc qui fonctionne vraiment bien, c'est les derniers plans, pour le coup. Je trouve qu'il y a un truc qui marche. Quand elle se brise dans le rêve. Ah, j'ai trouvé ça laid, au possible. Bah, c'est laid, hein. L'effet est pas super bien fait, mais je trouve ça intéressant, la manière dont ça arrive. Moi, ça m'a pas déplu, ça. Et le dernier plan, avec l'effet miroir, pareil, il est pas super bien fait. Mais il a un côté un peu dérangeant, quand même. Oui, celui-là, oui. Ouais. Mais le passage où tu la vois se briser en morceaux, ça m'a... Ça a plus fait rire qu'autre chose, donc c'est que ça n'a pas marché sur moi. Et à la base, ça devait être un serpent. Et, enfin, il y a une autre version de la scène où c'est un serpent qui sort de la bouche et qui commence à étrangler Jess. D'accord. J'aurais peut-être préféré celle-là. Bah, je trouve que ça marche. Pour le coup, celle-là, les effets sont vraiment pas finalisés, donc je trouve ça ridicule. Mais la thématique, je préfère justement le côté un peu sobre de ce qu'on a eu au final. Mais toi, tu dis ça juste parce que tu veux crier le serpent, à façon de Mélanland. Pas du tout. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, sinon, à la limite, si le parallèle avec l'original qui fonctionne bien, c'est la scène du maquillage, justement, où elle est dans la boutique du maquillage. Parce qu'il y a une scène quasiment identique dans Carrie, avec Sue, et elle est vraiment bien intentionnée dans Carrie. Ouais. Donc là, en fait, le parallèle, non seulement est pas trop appuyé, mais en plus, pour les personnes qui ont vu l'original de Brian De Palma, ça peut nous entretenir dans le fait que la nana a des bonnes intentions, alors que là, non, elle est aussi dans le plan pour la faire tomber. Ah oui, là, la manipule tout. Ouais. Cette scène-là est pas trop mal, c'est vrai. Même le carnage final, il y a des passages qui sont pas trop dégueulasses dans le passage dans le carnage. C'est le moment où l'autre, il se fait embrocher, le moment où il veut passer la porte, et t'as... Oui. Je sais pas ce que c'est, une espèce de petit pilier qui l'embroche au niveau de la tête. Visuellement, l'effet est réussi. Et ben, qui embroche sous l'autre côté, d'ailleurs. Oui. Ça, pour le coup, c'est un peu surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'elle meure. C'est les deux personnages qui sont embrochés, ouais. Ouais. Et l'effet est plutôt réussi. Mais c'est le seul truc réussi du carnage final. Le montage est catastrophique. Hein, Je pense qu'ils n'avaient pas suffisamment de plans et que voilà. Mais ce montage-là, plus le montage avant, au moment où elle commence à sombrer dans la folie, au moment où on se moque d'elle, là, lui aussi, ça enchaîne déformation d'image, couleurs, noir et blanc. Ça fait des jump cuts de partout. Ouais. Pour le coup, le noir et blanc, c'est une idée de merde, très nettement. Ah ouais, globalement, dans beaucoup de films, hein, de toute façon. Oui. Quand ça fait ça passe de couleur à noir et blanc pour. Déjà, j'ai vu ce film appelé Les Temps modernes, là, l'autre jour, qui était en noir et blanc. C'était vraiment nul. Oh là là. Madame Lang, entre toutes les femmes. Rachel ne veut pas qu'on l'aide. Elle a peut-être une sorte de maladie. Une anomalie génétique. À mon avis, il est possible que son père en soit à l'origine. Une maladie ? Que j'aurais aussi ? Non, j'aurais transmis une maladie ? Non. Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que c'est le mâle qui est le vecteur. Madame Lang, s'il vous plaît, dites-moi comment il s'appelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ah. J'ai dit à Rachel comment on s'était rencontrés. Il disait que c'était le coup de foudre. Je vous le dis, mais prenez garde si vous faites du mal à Rachel. Je lui ai rien dit parce qu'ici, la population a un mauvais souvenir de Carrie White et de ce qu'elle a fait. Voyez-vous, il était son père, elle aussi. Il s'appelait Ralph. Ralph White. Vous comprenez que moi, j'ai pas grand-chose à dire. Non, c'est toutes les scènes d'effet. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est là qu'on se dit « Ah ouais, c'est la fin des années 90 », parce que j'ai l'impression qu'il y a, tout le catalogue Windows Movie Maker, des effets un peu nuls, avec les jump cuts, les trucs de zoom, de déformation d'image pourrave. Ceci dit, ils étaient tout aussi dégueulasses, les effets de pouvoir, dans le téléfilm Karine, qui est sorti 3 ans plus tard. Et qu'on a déjà traité, d'ailleurs. Oui, c'était dégueulasse aussi, les effets de pouvoir. Cela dit, le téléfilm qu'on a traité est pire. Je suis bien plus ennuyé sur le téléfilm Carrie que sur Carrie 2. Bah oui, oui. C'est quand même à signaler. Je sais plus à quelle place il est, mais c'était vraiment pas ouf. Si, il y a une. En fait, tout ce qui est scène mystique et tout comme ça, déjà je trouve que l'aspect mystique est différent, enfin, il est quasiment absent en fait, alors qu'il était très présent dans le premier film, mais c'est beaucoup dû au personnage de la mère très religieuse qui donne cet aspect-là. Et je trouve que c'est dommage du coup que ce soit pas présent dans cette suite, mais bon, soit. Bah. Ils sont allés dans une autre direction, et puis c'est tout. Puis à la limite, je trouve que c'est pas la même. C'est pas tout à fait le même abord, parce que la mère de Carrie, elle est mystique, vraiment méchante, pour le coup. Oui. Tandis que la mère de Sue, a priori, elle a vu sa fille développer ses pouvoirs, et elle a pas compris, elle a associé ça à l'antéchrist. Et voilà. Mais il y a plus un mécanisme de défense, elle est pas méchante comme l'est la mère de Carrie. Mm. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les scènes un peu plus intimistes, je trouve, fonctionnent mieux. Oui. Dans ce Carrie 2. Par exemple, la scène où Sue reçoit, comment elle s'appelle, pour Rachel. Tu sais, t'as des émotions qui arrivent, et du coup, t'as la tasse qui bouge un peu, et qui, à un moment, manque de tomber. Oui. Et cette scène-là est pas trop mal, je trouve. Oui, ça... Parce que justement, tu ressens vraiment les émotions, et l'effet est simpliste, donc il peut pas être dégueulasse, en fait, à l'écran. C'est l'avantage, du coup. Je pense qu'il aurait pas fallu grand-chose, quand même, pour que ça marche vraiment. Il aurait peut-être fallu mieux penser les scènes de pouvoir, un peu plus prendre le temps de soigner le scénario, mais j'imagine que c'était qu'elle a débarqué avec un scénario, qu'elle a dû changer quelques trucs, et que ça se faisait un peu au jour le jour, vu que tout s'est fait méga en speed. Réellement, on se décidait sur les thèmes abordés. Ouais. Parce qu'il y a plein de moments où le film se marche lui-même sur la queue. Après, la romance est assez cucu dans le film de Palma aussi, hein. C'est juste que c'est tellement bien filmé. Ouais, mais là ça aurait dû, pour moi, ça aurait dû se concentrer sur le système de points et sur ça. Oui, ça aurait dû être au cœur du film. Et à mon avis, vu que là, du coup, c'est une autrice qui débarque, c'est possiblement elle qui a amené ça. Après, vu que c'est quand même très présent, à mon avis, ça devait quand même déjà être dans le scénario initial. En débarquant au dernier moment, à mon avis, t'as même pas un truc aussi essentiel. Comme ça, du jour au lendemain. Mais elle l'a peut-être un peu plus développé que ça ne l'est. Oui. Ça, c'est fort possible. Mais oui, ça, c'est un élément qui est. Qui aurait pu être mieux exploité. Qui aurait dû être central, même carrément. Ça, c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à aborder. Il aurait peut-être fallu que sa copine se suicide plus tard aussi, qu'on ait vraiment vu leur relation un peu mieux, parce que là, au final... Mais ça arrive très tôt, au final. Ça arrive très tôt. Et puis, on sait pas trop ce qu'il lui dit, le mec qui a couché avec elle, mais dans l'idée... Enfin, peut-être que ça peut arriver, mais ça me paraît vachement pressé, une fille juste qui se fait larguer et qui immédiatement se suicide... Ouais. Sans installation de personnage, en fait, ça m'a paru un peu court comme idée. C'est ça. Alors après, qu'est-ce qu'il lui a dit ? S'il lui a dit « j'ai fait ça parce que je fais un concours avec mes potes pour des points », là, peut-être. Mais je trouve qu'il manque quelque chose là-dedans. Parce qu'après, l'attachement, c'est vrai qu'on essaie surtout de le créer avec le chien, et du coup, moi, je m'en foutais. Mais... Non mais oui, clairement, il manque un développement pour rendre l'acte du suicide vraiment percutant, parce qu'au final, on n'est pas plus interloqué que ça, que ça se produit, vu que la personnage, on ne le connaît pas. On l'a vu contente au début du film, puis après, elle passe à l'acte, et du coup, t'as aucun attachement qui s'est créé. Ouais. Donc oui, effectivement, on manque de détails. Après, je sais pas si on manque tant de ce que lui a dit, ou de simplement... L'avoir elle au quotidien, en fait. Ce qui m'a paru aussi un peu bizarre, pour le coup, c'est vraiment l'excuse donnée pour le comportement des connards. Quand ils vont vraiment caillasser la maison de Rachel, et qu'il y a le côté oh, on était bourrés et puis on est des mecs. Tu vois, à la limite, il y a des trucs, j'aurais pu comprendre, dans une relation justement de masculinité toxique et de patriarcat, qu'on excuse un truc honteux avec ça. Là, il y a quand même vachement l'aspect on détruit ta maison. Je trouve que oui. Ça, c'est dur à faire passer, tu vois, sous l'argument du patriarcat. Je pense que ça, quand même, ça passerait pas. Mais, ou alors, si c'est le cas, bah, je suis vraiment très crédule et c'est chaud. Mais je pense que c'est un truc un peu trop... voyant, un peu trop destructeur. Visible, destructeur. Enfin, destructeur physique. Ouais. Tandis que, ouais, il l'aurait suivi dans la rue en l'insultant et compagnie, ça, j'aurais totalement admis, hélas, que ça soit excusé par « on est des mecs et on était bourrés ». Et que la justice voilà. Ne sert à rien. Du coup, encore une fois, c'est juste que ça va pas au bout de ce niveau. Ouais. Mais quand même, voilà, j'ai plein de reproches à lui faire, mais je passe pas un mauvais moment devant Carrie 2. C'est longué, je m'en relèverai pas la nuit pour. Ah, moi non plus. Mais je trouve que c'est un film à peu près sympathique. Moi, je n'ai rien à rajouter. Bon. Carrie 2. Qu'est-ce qu'on obtient quand on met trop de sucre? Bon, on va passer à l'extrait avant que tu refasses une autre blague sur les caries, parce que c'était déjà pas drôle la première fois. Hein. Une carie, c'est jamais drôle. Allez, c'est parti, l'extrait. Très bien, donc nous allons mettre une scène centrée sur plutôt les antagonistes du film, même s'il y a aussi le love interest à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Vu qu'il en fait partie en fait du groupe, oui, oui. C'est même pour ça que l'autre va lui en vouloir. Ouais. Et qui aborde ce fameux système de points pour coucher. Salut. Salut les filles. Salut les filles. Comment allez-vous ce matin? Quoi de neuf, mec? Donc, d'après les nouvelles règles que j'ai là, combien de points j'aurai si je saute la gonzesse là-bas? La grosse? 6. Ah non, la semaine dernière, tu m'as donné 5 points. Et d'abord, elle est pas grosse du tout? Oui, ouais. Mais je pense que s'il a le courage de passer derrière un gros dégueulasse dans ton genre, il mérite bien un point supplémentaire. Pauvre tâche. Salut les hommes. Oh. Jessie, cette petite Tracie. Il faut qu'on lui passe tous dessus, mec. T'es sérieux, Marc? Ouais, elle est sur ma liste. Elle est vachement bien. Ouais, mais elle a un PB tatoué sur le cul. Patouche, propriété, oh, des bulldogs. Hein, mec? C'était génial. Ouais. Ouais! Ouais! Le baiser fou! Bravo, mec! Wouhou! Tu t'es faite! Wouhou! Passe le cahier de notes! Passe le cahier de notes! Le cahier! Et il a pris sa culotte! Ah la vache! Ouais, il s'est fait un canon! Ah, le salaud, il s'est fait la plus mignonne! Ouais, les mecs, il y a du monde au balcon! Débarrasse-moi de ce machin! Ouais. Tu crois qu'il y retourne pour le double de points? Hein? Cartonné, le salaud! Très bien, donc voilà, on a pris cette scène pour ce... Bah justement, elle aborde plutôt bien le thème qui veut être le thème central du film. Qui aurait dû. Et où les personnages ont l'air tout de suite vraiment odieux. Oui, par contre ça le côté antagoniste des antagonistes, là, ouais, il est vraiment bien présent. Ouais. Tu vois, là, vraiment, t'as envie de leur mettre des claques, quoi. T'as envie de les foutre en prison pour plusieurs dizaines d'années, quoi. À la limite, qui est intéressante aussi, après, je sais pas si ça peut mériter la prison, dans la mesure où, visiblement, elles sont consentantes dans le téléfilm. Dans le film, pardon. Elles sont consentantes pour coucher, pas pour participer à un système de... Ah oui, oui, oui. Je sais pas, effectivement, mais on peut pas inculper pour une histoire de viol, hélas. Non, voilà, c'est ça. C'est plus un comportement masculinité toxique, honteuse, mais je suis même pas sûr que ce soit illégal, tu vois, techniquement. Voilà. À part qu'il y a visiblement détournement de mineurs, déjà. C'est d'ailleurs l'une des réactions d'un des profs, je crois, au tout début du film, là, juste après le suicide. Il lui dit oui, elle s'est suicidée parce que l'autre, il lui a brisé le cœur. Ouais, mais c'est pas illégal. Dit, bah, c'est pas illégal de briser le cœur d'une jeune fille. Oui. Et oui, soit, effectivement, c'est pas illégal. Après, il y a la forme. Ce qui est pour le coup potentiellement un truc intéressant dans le fait justement d'avoir enlevé, alors je pense que c'est surtout pour que ce soit pour un regardable par un large public, mais d'avoir enlevé la dimension pédophile du scandale original, c'est que ça concentre vraiment peu sur l'aspect, on va dire, moral et social du problème, sans amener l'aspect purement criminel, en fait. Oui. Donc c'est intéressant. Ça. C'est toujours le même problème avec les suites, ou en tout cas les films qui se veulent public, télévisuel. Ouais, même s'il est sorti au cinéma, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est sorti au cinéma. Bref, qui se veulent grand public. Ouais. Parce que du coup, t'as un propos, mais t'es obligé à chaque fois de l'édulcorer à fond. Au point où, au final, ton propos n'a plus aucune substance, quoi. Oui. C'est triste. Bah, ça aurait été faisable d'aller vraiment à fond dans le scandale et de maintenir le propos sur la masculinité toxique. Mais là, ça arrive à un truc. Ouais, effectivement, assez glauque, où on associe, mais de fait, ce qui est probablement le cas du scandale d'origine, c'est-à-dire si les filles vierges valent plus de points, ils vont chercher chez les plus jeunes, pour ça j'imagine que ça valait encore plus de points. Donc ça aurait été développable, mais ça aurait été vraiment glauquissime pour le coup. C'est le problème. Mais du coup, voilà, je trouve ça quand même, rien que le fait de tenter, bien amené, et les réactions des personnages sont intéressantes, que ce soit du love interest qui va sortir de ça, mais qui va jamais non plus totalement condamner. Oui. Ça, il va vraiment être dans le délire. Ouais, c'est des trucs de mec, quoi. C'est vrai. Et même les deux autres filles, justement, les deux ennemies de Rachel, en soi, elles sont intéressantes parce qu'elles ont totalement admis qu'on avait couché avec elles juste pour les points et ça leur pose pas problème. Donc je trouve qu'il aurait pu y avoir un propos là qui est vraiment sous-développé sur aussi même le rapport des femmes à leur propre objectivisation. Oui, c'est ça. C'est les femmes qui, même au final sans en être conscientes, agissent purement et simplement pour la cause masculine. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de pistes qui auraient pu être passionnantes. Effectivement, la romance pas ouf prend trop de place. Mais c'est bon. Ça. La romance pas ouf qui prend trop de place. Encore une fois, le fait de absolument vouloir accrocher les wagons avec le premier film, même si c'est... Allez, à tout casser, ça doit prendre juste 5 minutes de film. Ouais. Mais c'est 5 minutes qui auraient pu être utilisées pour de meilleures causes. Ouais. Tout simplement, en fait. C'est tous ces petits points, en fait, qui, mis bout à bout, c'est gâché, quoi. Et puis, le parcours dessous, je trouve vraiment intéressant, pour le coup. Ça de voir que tout dégénère et qu'elle n'arrive pas à empêcher que les choses se passent exactement de la même manière. On est d'accord. Moi, vraiment, tout ce qui manque pour moi, c'est vraiment ça manque d'émotion. Tout. Tout manque d'émotion. Il y a des moments, ça va, avec Rachel principalement, parce que je trouve que l'actrice joue bien, donc arrive à véhiculer quelque chose. C'est pas la folie, hein, mais il y a un petit truc. Son père adoptif est un connard. L'actrice ou... Non, le père adoptif de Rachel dans le film. même la femme. Un peu moins, oui. Mais le père adoptif, c'est vraiment... On le garde parce que ça nous rapporte du pognon, quoi. $300 par mois. Ça paraît pas une très bonne occasion. Par semaine, je sais plus. Je crois que c'est par mois. Parce que tu sais, aux US, ouais. Tu peux être payé à la semaine. Donc, ouais. Je sais plus. Et du coup, j'ai peut-être mélangé, mais... Bon, bref. Voilà, on classe ça. Eh ben, on classe ça. C'est parti. Alors, nous n'avons pas classé le livre, bien entendu, donc nous classons directement le film. Aux 5 premières places, nous avons justement Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et aux 5 dernières, donc à partir de la 51e, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, et en 55e, Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et pour situer le téléfilm, Carrie de 2002, je crois, ou 2001, il est à la 35e place, Carrie de David Carson. Voilà. Et donc, Carrie 2... Où vois-tu ça? Où est-ce que je vois ça? Dans un cabinet dentaire. Non, dans les égouts, ça. Ah oui, ça, oui. Ouais. Je regarde un peu. Hein. Pour moi, malgré ses défauts, je le vois entre Les Ailes de la Nuit et Darkseid. Ah oui, aussi haut ? Ouais, 18e place. Ouais. La vache ! Ouais. C'est haut quand même. Toi, tu l'aurais vu où ? Là, quand même plus bas. Hein. Bon, dis-moi où tu l'aurais mis d'instinct. Moi, bon, déjà, plutôt aux alentours de... En dessous du cimetière, le dernier cimetière en date. Le cimetière récent ? Ouais, autour de la 23e, dans ces eaux-là, moi, plutôt. Mm. Parce que je préfère quand même vraiment Mangler, même La Peau sur les eaux, et même ce cimetière-là, finalement, je trouve mieux exécuté. Bon, Myst, il est bas, mais parce que pour moi, il est trop bas, mais pour toi, il est trop haut. Donc oui, bon, finalement, il y a dû avoir consensus. Ouais, voilà. La peau sur les os, j'ai vraiment pas de souvenir marqué, tu vois. Ou alors, on coupe la poire en deux, on le met en dessous de The Mangler. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça me paraît pas mal en dessous de The Mangler. En dessous Mangler. Ce, ou... Le cimetière, il est chiant, quand même. Oui, c'est pas faux. C'est... Il a une belle photo, mais il est chiant. Donc ouais, je dirais en dessous de The Mangler, à la limite. En dessous si Mangler, ça le voit, ouais. Toi. Je trouve que Mangler est quand même plus, plus maîtrisé et plus fun. Oui, il a l'aspect fun. Donc vas-y, il a quelques scènes très bien, The Mangler, ouais. En dessous Mangler. Ok. Du coup, il devient le nouveau 22e. C'est ça, nouvelle 22e place. Bon, ben voilà, c'est pas si mal que ça, au final. Et nous allons passer au tirage au sort des prochains. Je crois que c'est à moi de tirer en premier cette fois. C'est toi qui as fait tirer en premier la dernière fois ? Non, je crois que c'est justement. Bon, au pire, tant pis. Hein. Ouais, on s'en fout, ouais. Mais... J'ai pas encore rajouté le téléphone de Monsieur Harrigan, mais qui est maintenant dispo sur Netflix. Ouais. Donc voilà. J'ai un petit papier. Je te donne la boîte. La boîte. Vas-y. J'ai tiré Creepshow 3 de Anne Clavell et James Glenn Duddleston. D'accord. Voilà, il y a un Creepshow 3. Je savais pas qu'il y avait un Creepshow 3. Mais je crois que King n'est pas du tout impliqué dans Creepshow 3, que c'est un espèce de truc bas de gamme sorti en loose day. Il est voilà. Impliqué que dans L2. Hein. Ouais, et encore le 2, il a rien fait directement, c'est juste qu'il y a des trucs adaptés. C'est juste lui. Qu'il y a des nouvelles, ouais. Adaptées de lui. Ouais. De toute façon, on a abordé que le premier. Ouais. Creepshow. Mais dans ma mémoire, le 2 est plutôt pas mal aussi. Hop. Le 2 est bien, ouais. Surtout le segment de la... du radeau. Ah oui. Hop là, un petit papier. Un petit papier. Eh ben, il va falloir retourner chez le dentiste. Encore. Parce que j'ai tiré Carrie, la vengeance de Kimberly Pierce. Donc celui avec Chloé Moretz, bah, c'est le seul qu'on n'a pas fait. Le dernier, voilà. Donc on va falloir retourner dans notre petit cabinet dentaire. Bon, bah, on sera débarrassé de tout ton carie au moins. Voilà. Voilà. Et si vous hésitez encore, je vous conseille Le Dentiste de Brian Yuzna. Ça peut faire un bon compliment. Bon, bah, très bien. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de Creepshow 3 et dans 1 mois pour parler de Carrie, la vengeance, le retour de la vengeance de Carrie. Voilà, on a, alors ça veut dire que pendant 1 mois, on n'a rien à lire. Oui. C'est ça aussi, ça veut dire. Ouais, ça c'est bien. Putain. Déjà que ce mois-ci, on n'avait pas grand-chose, hein. On a eu le Cadillac de Dolan, ça va. Oui, c'est vrai. Très bien, bah, vous pouvez en attendant nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste pour toi, @chris-du8, The Lost Tales. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Là, on va enregistrer tout de suite, bientôt, notre nouveau podcast. Normalement, c'est là et ça sera très probablement déjà dans vos oreilles au moment où vous aurez écouté cet épisode. Ouais, c'est toi qui le montera, donc ça sera ta responsabilité. Bah, normalement, je pense une sortie là pour la fin octobre, donc au moment où sortira ce podcast-là. Ouais, d'accord. D'environ. Ouais. Si je calcule bien. Et bon, c'est tout. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Bah oui, il reste plus qu'à vous rappeler que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Si vous dites que vous venez de notre part à votre cabinet dentaire, vous aurez 5% de réduction.